Mystery Pod. Ce soir, épisode parmi les plus épiques de notre petite histoire. Non pas parce que Nico est au milieu d'un déménagement et que l'écho de son appartement vide donnera l'impression qu'il parle d'une église. Non pas parce que je vais de poussée de fièvre en poussée de fièvre et que ma voix rauque rendrait jaloux beaucoup de chanteurs. Non, ce soir, nous parlons d'une technologie qui en quelques années est devenue commune. C'est largement répandu et qui pourtant est une prouesse utilisant des propriétés physiques particulièrement complexes. Les LED. Ces lampes, maintenant largement utilisées, ont un rendement exceptionnel et ce soir, Nicolas Grandjean, qui dirige le laboratoire en semi-conducteur avancé pour la photonique et l'électronique à l'EPFL, va tâcher de nous expliquer pourquoi. va nous éclairer sur le sujet. Nous sommes le jeudi 9 janvier, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 157. Bonsoir et bienvenue. Autour de la table virtuelle ce soir, on a comme toujours David à Limerick. Salut David. Hello. Bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Merci. Bonne année à Nico au passage et à Nicolas. On a Nico dans ses cartons à Paris. Salut Nico. Salut. Bonne année aussi. Bonne année. Et puis autour d'une vraie table physique à Lausanne, on a Nicolas Grandjean. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir et bonne année à tous. Merci, bonne année à toi. Et puis donc moi, Alan. Et puis on va démarrer tout de suite notre interview sur les LED. Nicolas Grandjean, deux mots d'intro. Donc tu es prof à l'EPFL. Professeur en physique. Donc l'EPFL à Lausanne en Suisse. Tu diriges ça se prononce l'ASP, c'est ça? Ou l'ASP. L'ASP, donc le laboratoire en semi-conducteur avancé pour la photonique et l'électronique. C'est mieux en anglais. Hein. C'est une traduction littérale. D'accord, qu'est-ce que ça donne en anglais? La même chose, avec l'accent. Yeah. Et puis donc ce soir, tu vas nous parler des LED. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, les LED, ça donne une lumière blafarde. Alors, peut-être en préambule, je dois dire que je n'ai aucun intérêt dans aucune compagnie, je n'ai rien à vendre, donc je suis là en tant que scientifique de base. Alors, pour revenir sur les LED, c'est vrai que les remarques générales que tu peux entendre un peu partout, c'est « Ah, c'est LED, c'est un blanc dégueulasse, un blanc blafard, tu prends ta lampe de poche avec une LED, tu éclaires, c'est bleu au milieu, c'est jaune au bord, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Alors, il faut savoir que ce blanc blafard, originellement, il vient d'Asie et du Japon. Les premières LED blanches ont été développées au Japon. Et quand tu vas au Japon, tu vois que les lampes fluorescentes sont d'un blanc blafard. C'est-à-dire que dans les restaurants en Asie, on aime ce blanc clinquant, qui flashy, froid, qui réveille. Alors, est-ce que c'est lié au climat? J'essaie de me renseigner. J'ai un collègue aux États-Unis qui installe depuis 20 ans, un Japonais. Il m'a dit, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était terrible pour moi. Je ne supportais pas l'ambiance des restaurants. Ce côté un peu de lumière diffuse, chaude, ce côté cosy est insupportable pour la plupart des collègues japonais à qui j'ai posé la question. Donc, il y a un côté culturel qui a souvent été oublié de la part des journalistes, notamment. Hein, je me souviens une fois avoir eu un débat avec un journaliste du Temps, équivalent au plus petit du monde, à Genève, en Suisse. Et je lui dis, mais dans votre article, vous êtes passé à côté de la dimension culturelle. Donc, dans la lumière, on oublie souvent que ce qui peut plaire à une communauté peut déplaire à une autre. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir sur, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une belle lumière. Ça démarre très fort. Je ne t'ai jamais posé cette question des différences culturelles. Cette lumière blafarde, là, elle est peut-être un peu voulue. C'est ça que tu nous dis? Alors, encore une fois, c'est des choses qui sont sans doute très profondément ancré dans la culture asiatique, et je suis assez nul dans le domaine, mais sans doute c'est lié effectivement à ce côté. On voit par exemple les maquillages des danseuses traditionnelles au Japon, il y a ce blanc qui revient, ce besoin d'avoir un blanc cru, peut-être lié à la virginité, à la pureté sans doute. Et dans le monde occidental, nous d'ailleurs on aime bien ce côté du feu de cheminée, hein, l'éclairage au feu de bois, c'est sympa, ça peut permettre, disons, une approche plus facile dans certaines situations, je sais pas, mais en tout cas c'est des choses à considérer. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans le développement des LED ces dernières années. On va maintenant vers un blanc chaud, parce que aussi les boîtes, il faut savoir que les sociétés qui ont dominé le marché des LED, notamment Nichia, et c'est une société donc japonaise. On reviendra sur Nakamura, qui est le père fondateur des LED. Et ils ont compris, ces sociétés ont compris qu'il fallait aller vers un blanc chaud. Donc on va parler de température, de couleur, qu'est-ce que c'est qu'un blanc chaud. Voilà, donc c'est aujourd'hui, on le voit, une évolution vers des LED agréables, selon nos critères, encore une fois, culturels. Ok. Bon. On t'a pas invité, en fait, pour te, pour te demander le plus beau blanc au départ. On va être un peu sérieux. On va parler un peu de contexte, déjà, pour commencer. Est-ce qu'on connaît un peu les chiffres de l'éclairage ? Alors, c'est toujours très difficile, parce que c'est des chiffres qui viennent de cabinets, de consultants, de gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont étudié des dossiers compliqués. Donc ça, c'est des chiffres que je reprends. Encore une fois, je garantis absolument pas la valeur de ces chiffres. Mais on peut typiquement considérer aujourd'hui qu'il y a 20%, disons, de l'électricité mondiale, de la production d'électricité qui est utilisée aujourd'hui pour l'éclairage. Ce qui est relativement considérable, hein. Un cinquième de la production mondiale d'électricité pour l'éclairage, donc éclairage industriel, éclairage domestique, éclairage des routes. Là encore, peut-être il faudra revenir sur l'utilisation modérée des LED, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut avoir une source d'éclairage qui est bon marché et qui a une excellente efficacité, on va avoir tendance à en mettre un peu partout. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de 30 milliards de lampes qui éclairent chaque jour. Alors typiquement, oui, c'est les chiffres que l'on peut trouver dans les présentations des éclairagistes, des grandes compagnies comme Osram ou Philips. Donc on est autour de 16 milliards de lampes chaque année, ce qui correspond à peu près à 300 centrales nucléaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un gros marché, c'est un poste important de consommation d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a un effort important aujourd'hui pour effectivement réduire la consommation d'électricité et être éco-friendly. Ouais, parce qu'on a un sérieux problème avec les ampoules traditionnelles. Alors les ampoules traditionnelles, comme j'ai l'habitude de le dire pour les étudiants, c'est souvent de bons radiateurs. Il suffit de démonter une lampe qui est restée allumée pour avoir les doigts collés dessus et se rendre compte que c'est plus un radiateur qu'une lampe. Si on regarde en termes de répartition entre la partie lumière utile et la partie lumière perdue, qui est la chaleur et l'infrarouge, on est à typiquement 5% de lumière utile qui va servir à éclairer, et 95% d'énergie perdue sous forme donc de chaleur, de rayonnement infrarouge. Et puis les alternatives ? Alors, les alternatives, peut-être qu'on peut revenir sur l'historique de l'éclairage. Donc, comme chacun sait, si on veut créer de la lumière, il faut simplement chauffer. Donc, très tôt, à partir du moment où on a commencé à maîtriser le feu, on a pu avoir des lampes, enfin, il y a eu des lampes à huile, il y a eu des torches, des lampes à huile. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Edison... Et un peu avant ses prédécesseurs, en fait, Edison n'a fait que perfectionner. Comme souvent, c'est toujours difficile d'attribuer à un chercheur, à un savant, qui a été le premier. C'est souvent des coïncidences et des collaborations plus ou moins directes ou indirectes. Et donc, la lampe à incandescence n'est autre que finalement la maîtrise du feu, toujours basée sur le même principe, je chauffe pour éclairer. Alors on peut peut-être aller un peu plus loin, savoir pourquoi il faut chauffer pour éclairer. On va parler un petit peu de physique, histoire d'entrer dans le... Enfin, vraiment dans le vif du sujet, et puis de comprendre ce que sont ces LED. On a vu ce que c'est que la chaleur, ce que c'est que le feu. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Alors justement, je voudrais revenir sur cette notion de chaleur, enfin plutôt de température. Soyons précis. Parlons de température et non pas de chaleur. La chaleur va être liée à la température et à la capacité d'un corps d'emmagasiner et des propriétés de la matière. Donc on va parler de température, on va parler du corps noir. Et il faut savoir que n'importe quel matériau porté à une certaine température va émettre de la lumière. Donc ça, c'est Planck qui, le premier, s'est intéressé à ce phénomène et a décrit de façon théorique l'émission du corps noir. Donc vous prenez n'importe quel objet, vous le portez à une certaine température, et il va émettre un rayonnement de la lumière au sens large, reviendra sur la division de la lumière, donc de la lumière au sens large. Donc, si je prends le soleil, plus le corps va être chaud, plus il va émettre de la lumière à courte longueur d'onde. Et donc, on va pouvoir attribuer, encore une fois, température et spectre d'émission. Et c'est, c'est à partir de cette base-là que toutes les sources de lumière ont été développées jusqu'au XXe siècle. Mais donc, la lumière... Alors, tu vois que je me suis retrouvé un peu bloqué parce que j'ai parlé de lumière, ouais, et de rayonnement. Ouais. Et en fait, j'ai eu du mal à dire ce que c'était que cette lumière ou ce rayonnement. Mm-hmm. Donc, on va revenir un peu en arrière, mm-hmm, et définir ce qu'est la lumière. Donc, la lumière est une onde. C'est une onde, encore une fois, au sens large, qui va des ondes radio, des ondes visibles, des ondes infrarouges, des ondes ultraviolettes, et même jusqu'aux ondes qui sont utilisées, par exemple, à la diffraction X, pour aller regarder la matière et le cœur de la matière. Et d'ailleurs, au passage, il faut savoir que lorsque tu veux regarder un objet, il faut utiliser la longueur d'onde qui correspond à l'objet, en gros. Par exemple, si je prends des ondes radio, j'aurais du mal à te voir. Elles sont trop grandes. Si je prends des ondes lumineuses, visibles, donc typiquement, on va parler en microns, entre 0,4 microns pour la limite violette et 0,7, 0,8 microns pour le rouge, ce qui fait en nanomètres, c'est pas très parlant, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Mais je crois que c'est bien, à la limite, les auditeurs peuvent noter ça quelque part. Donc le spectre visible, 400 nanomètres, 700 à 800 nanomètres pour le rouge, donc du violet au rouge, ou encore une fois en microns, 0,4 microns à 0,7, 0,8 microns pour le rouge. Et si je veux regarder, par exemple, un objet, regarder des atomes, il faudra que je prenne une longueur d'onde de l'ordre de la dimension de l'atome, c'est-à-dire de quelques angstroms, d'où la diffraction X. Et ça, c'est universel. Lorsque je veux regarder un objet, je dois choisir une lumière dont la longueur d'onde est de l'ordre de la taille de l'objet, sinon je ne le vois pas. Mmh. Alors, on a bien compris que cette lumière était une onde avec une longueur d'onde associée, et le visible, en fait, est une toute petite partie du spectre solaire, par exemple. Donc, si je prends le soleil qui était typiquement à 5000 degrés Celsius, il va avoir une émission, donc un rayonnement, sur un ensemble de longueurs d'onde qui va de l'infrarouge, ça c'est ce que l'on sent quand on s'expose au soleil, on sent cette chaleur, c'est en fait tous les infrarouges qui n'ont pas été arrêtés par l'atmosphère. Ensuite, il y a une toute petite partie qui est celle que tu vois, qui permet de voir les objets. Et puis, comme on le sait, il y a la partie ultraviolette qui est malheureusement pas suffisamment arrêtée par l'atmosphère et qui va vous brûler la peau au ski ou sur la plage. Donc, les couleurs, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais les couleurs, c'est une certaine longueur d'onde dans ce spectre visible, c'est ça? Alors, le spectre visible est une petite fraction, ouais, de l'ensemble des longueurs d'onde possibles, oui, qui vont de l'angstrom, donc 10⁻⁹ mètres, à plusieurs kilomètres pour même les ondes acoustiques. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très vaste. Et le spectre visible, donc l'œil est sensible, on a des petits bâtonnets au fond des yeux, qui sont sensibles, en fait, à une toute petite fraction du spectre de longueur d'onde. Et il se trouve que nous avons, au fond des yeux, trois types de bâtonnets qui vont être sensibles à différentes... Alors, c'est les cônes. Voilà. Donc c'est cônes. Donc on va être sensible à ces différentes couleurs, donc principales. Alors, c'est pas tout à fait rouge, vert, bleu, mais typiquement, c'est assez compliqué, on a plusieurs lobes, mais pour simplifier, on va être sensible au rouge, au vert et au bleu, c'est comme ça que le cerveau va effectivement reconstituer ensuite l'ensemble des couleurs visibles. Mmh. Donc, une couleur, ce qui est compliqué, parce qu'on a les couleurs primaires qui correspondent à une longueur d'onde, mais on peut avoir, on en reparlera, une couleur, par exemple, notamment le blanc, qui correspond au stimuli de deux longueurs d'onde. Peut-être donc si on termine sur le spectre visible, ouais, l'œil ensuite va avoir une certaine réponse. Donc il y aura une réponse qui est nulle en dehors de ces 0,4, pour simplifier, 0,4 microns, 0,8 microns. Donc c'est tout ce qui est ultraviolet et infrarouge. Mm-hmm. Donc l'œil a une réponse nulle, il ne voit rien. Ouais. En revanche, sa réponse va commencer à augmenter à partir du bleu, avec un maximum autour du jaune-vert, qui est autour de 560 nanomètres. C'est un peu différent d'ailleurs de jour et de nuit. Hein. Et puis ça va redescendre quand on va aller vers le rouge. Ce qui est intéressant, parce que souvent on se dit « Ah, une LED par exemple verte, est très puissante, très brillante », c'est simplement parce que l'œil a une sensibilité dans le vert qui est 10 à 20 fois la sensibilité dans le bleu. Donc l'œil en fait est incapable de juger quelle est la puissance de la lumière qui lui arrive dessus. Et à ce titre, juste pour compléter, je pense que tu le sais déjà, mais justement les appareils photo, pour mimer un peu ce que fait l'œil, ont deux fois plus de capteurs verts que de capteurs des autres couleurs. Mmh. Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc en effet, voilà, c'était juste pour les histoires des couleurs différentes. Ouais, c'est fou ce qu'on apprend ce soir, j'en savais rien du tout, c'est merveilleux. Ok. Juste aussi, oui. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on veut indiquer un danger, on va mettre du rouge. Et là encore, on voit le facteur culturel sur la lumière. Or, l'œil n'est pas sensible au rouge. Il est sensible au jaune vert. Donc si on veut faire quelque chose qui soit très visible, on devrait le faire jaune-vert. Hein? Et pourtant, on met du rouge, parce que le rouge, c'est sans doute associé culturellement, historiquement, à quelque chose, qui est le feu, le danger. Voilà, donc c'est... Voilà, Alan, t'as une explication à pourquoi les voitures françaises avaient des phares jaunes. Ben, je sais pas, ça a un lien, un rapport. J'ai jamais compris cette histoire de phare jaune, enfin en Suisse, en fait, sur le reste de la planète, quoi, on n'a jamais compris. C'est pas ce soir qu'on va le savoir. Pour revenir sur cette histoire de corps noir, ouais. Maintenant, on comprend que si on veut réaliser une lampe à partir d'un corps chaud, il va falloir chauffer suffisamment pour avoir des longueurs d'onde qui soient dans le visible. Alors, prenez par exemple un feu de cheminée. Hein. Mm-hmm. Ou par exemple, on vient de sortir de... Enfin, non, pas de l'été, on est un peu loin, mais en Suisse, les barbecues, l'été, c'est vraiment le gros truc. Donc, vous prenez une braise, quand vous commencez à la voir, hein, quand tu commences à la voir orange sombre, c'est typiquement 600 degrés. C'est-à-dire que si tu regardes la lumière qui est émise par cette braise, même si, alors, si elle était complètement noire, tu peux encore te brûler, ça veut dire qu'elle est en dessous de 600 degrés, typiquement à 500 degrés, tu ne verras rien. Tu la verras noire, pourtant elle est en train d'émettre de la lumière. Elle émet des infrarouges, elle est à 500 degrés, donc tu vas te brûler, mais tu ne vois rien. Tu augmentes la température et la limite c'est typiquement 600 degrés. À partir de 600 degrés, elle commence à devenir légèrement orange sombre. Puis plus tu vas chauffer, typiquement 900 degrés, à 900 degrés c'est de l'orange clair. Et puis plus tu vas chauffer encore, tu vas avoir du jaune. Et puis si tu continues à chauffer, tu augmentes la proportion de longueur d'onde dans le bleu. Et c'est pour ça qu'on dit chauffer à blanc. Chauffer à blanc, c'est quand tu commences en fait à produire suffisamment de lumière dans le bleu pour, par addition avec la lumière qui est dans le jaune et dans le rouge, avoir cette lumière blanche. Donc, on comprend maintenant que pour produire de la lumière blanche à partir d'un corps chaud, il suffit de le chauffer suffisamment pour que une partie de l'émission du rayonnement soit dans le spectre visible et qu'il y ait une composante dans le bleu qui soit suffisamment forte pour pouvoir avoir cette lumière blanche par addition de couleurs. D'accord. Bon, moi, j'ai que des ampoules LED chez moi. Quand je les touche, elles sont froides. Pourtant, ce que je t'entends, de ce que je comprends, de ce que tu es en train de dire, on peut pas tellement dissocier chaleur et lumière. Et c'est un miracle, alors, ces ampoules. C'est parce que, justement, la technologie et la rupture technologique est intervenue, en fait, non pas avec les LED, mais avec les lampes fluorescentes. D'accord. Si tu prends une lampe fluorescente, tu peux la démonter après plusieurs heures de fonctionnement, tu pourras remarquer que c'est tiède. Mmh. C'est pas brûlant. C'est vrai. Il y a une certaine chaleur. On pourra se poser la question d'où vient cette chaleur. Mmh. Et la rupture technologique, c'est vraiment en fait la lampe fluorescente. Donc tu changes complètement de paradigme. On était jusqu'à présent, donc la lampe à incandescence, c'est chauffée, toujours pareil, un filament, typiquement à 2500, 3000 degrés. Sauf que tu sais que si tu chauffes, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Ouais. Tu fais du feu. Mm. Donc l'idée d'Edison, et de ses coéquipiers, on va dire, c'était de dire, je vais chauffer, et pour éviter la combustion, je vais priver mon système d'oxygène. On sait que si on veut brûler quoi que ce soit, il faut de l'oxygène. Donc tu mets une ampoule, un gaz inerte, tu chauffes, tu t'affranchis de la combustion, mais tu gardes la température, et tu génères donc de la lumière à partir d'un objet qui est chaud. Vraiment principe de base, et tu veux pas qu'il brûle, tu le protèges. Au cours du XXe siècle, Et c'est pourtant relativement vieux parce que Duffy, dès le début du 19e, avait remarqué des expériences, en fait, c'est le début de tout ce qui est électricité, décharge. Remarque qu'une décharge électrique dans un gaz peut produire aussi de la lumière. Ah, ça c'est nouveau. Tu peux produire de la lumière sans avoir à chauffer quelque chose. Tu regardes un éclair lors d'un orage, tu crées de la lumière, il n'y a rien qui chauffe. Donc, tu changes complètement d'approche, tu vas maintenant créer de la lumière en faisant autre chose. C'est de la mécanique quantique, c'est-à-dire que tu vas exciter des atomes sous l'effet de la décharge électrique. Les atomes vont se retrouver avec des électrons projetés dans des orbitales, dans des niveaux électroniques de haute énergie. Et généralement, au bout d'un certain temps, ils retombent dans leur état de base, comme toi et moi, généralement. On retombe tous, de toute façon, dans un état de base. Donc, c'est plus ou moins un canapé avec une bière. Ou, tu vois. Mais c'est typiquement ça. Et dans cette relaxation, une perte de l'énergie. Donc l'énergie qu'ils avaient acquise, si tu souffles l'effet de cette décharge électrique, cet éclair, ils vont la perdre et ils la perdent sous forme de lumière. Et ça, c'est nouveau. Tu crées de la lumière sans avoir à chauffer. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on trouvait dans les tubes néons. Voilà. Premier tube néon, tu prends un gaz que tu excites sous l'effet d'une décharge. Les atomes se trouvent excités et réémettent. Ou par exemple, les lampes à sodium, ces lampes oranges que tu as un peu partout sur les parkings, sur les routes. C'est des lampes à vapeur de sodium. Tu crées une décharge électrique entre deux électrodes et tu vas avoir donc ensuite une désexcitation de tes électrons sur des couches excitées vers les états fondamentaux, et c'est par ce moyen que tu vas créer de la lumière. Et c'est pour ça que c'est toujours la même couleur, parce que c'est des transitions fixées dans les atomes de sodium. Et puis donc la LED, c'est une évolution ou est-ce qu'on a une nouvelle rupture? Alors, peut-être pour finir, c'est parce qu'on a parlé des lampes à... Si tu trouves que je suis trop bavard, généralement, quand, je suis assez bavard. Il n'y a pas de souci chez nous, après, il faut juste que tu aies le temps. Donc, parce que le sodium, c'est orange, c'est pas terrible comme lumière blanche, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si tu veux avoir une lampe fluorescente, avant de passer à la LED, essayons de comprendre, parce que j'ai besoin, si tu veux, de que l'on comprenne bien le fonctionnement de la lampe fluorescente pour savoir pourquoi la LED est meilleure. Alors, allons-y. Donc, j'en suis à la décharge, je crée ma lumière à partir de mes atomes excités. Je prends du sodium, c'est orange, ça va. D'ailleurs, c'est pas mal, parce que si tu mets par exemple un filtre, si on était éclairé partout en orange, tu mets tes lunettes et tu verrais le ciel. Parce que tu pourrais mettre un filtre interférentiel qui bloquerait que la longueur d'onde d'émission du sodium, et tu retrouverais un ciel noir et nos enfants pourraient voir les étoiles. Ce qui est un problème avec la lumière blanche au passage et la pollution lumineuse des villes. Revenons donc à ces lampes fluorescentes. Donc tu veux créer de la lumière blanche. On a dit pour avoir de la lumière blanche, voir du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Donc il faut que j'ai de la lumière et des transitions qui soient dans cette zone-là du spectre. Or ça, je ne sais pas faire. On ne sait pas faire. On ne connaît pas d'atomes, si tu veux, qui vont émettre exactement dans toutes les couleurs du spectre visible pour avoir cette lumière blanche. Du coup, on a trouvé un atome qui est le mercure. Donc c'est pour ça que tu as du mercure dans les lampes fluorescentes. Tu mets un atome de mercure, en fait tu as des vapeurs de mercure que tu vas exciter, et ce mercure va émettre de la lumière dans l'ultraviolet. Cette lumière dans l'ultraviolet va ensuite exciter des phosphores, on appelle des luminophores en français, qui recouvrent les parois de ton tube. Donc c'est une lampe fluorescente et blanche, parce qu'en fait ce que tu vois c'est ces luminophores, qui ensuite sous l'excitation de la lumière ultraviolette produite dans la lampe, vont réémettre dans le visible. Et maintenant tu vois où je veux en venir, c'est que tes parties de lumière ultraviolette, qui a une certaine énergie, on parle en électronvolt, hein, pas en mégaélectronvolt, en gigaélectronvolt, nous c'est l'électronvolt, 5 électronvolts, l'énergie de la lumière des photons, donc associée à notre onde, varie entre 2 électronvolts pour le rouge à 3 électronvolts pour le bleu. Donc tu pars d'un photon, c'est important, ces chiffres sont importants parce qu'on va comprendre d'où vient l'économie et d'où vient la performance des LED. Donc tu pars d'un photon de 5 électronvolts, pour donner des photons entre 2 et 3 électronvolts. Donc tu as perdu plus de 2 électronvolts, c'est-à-dire 50% de l'énergie est perdue par conversion. Et la chaleur dont je te parlais quand tu touches une lampe fluorescente, c'est typiquement cette perte d'énergie, on parle de perte d'énergie par cascade, du fait que tu es passé d'un photon ultraviolet, la lumière ultraviolette, à de la lumière visible. Ok. Je m'étais jamais douté qu'il y avait autant de technologie dans un bête tube néon. C'est enfin, autant de science. C'est assez invraisemblable. Et puis donc, la LED, alors, rupture ou pas par rapport à ces technologies-là? Alors justement, ça nous amène à peut-être à la définition de mais qu'est-ce qu'une lampe idéale. Mm-hmm. Une lampe idéale va être une lampe qui émet justement de la lumière uniquement dans le spectre visible. Pas au-dessus, pas en dessous, ça c'est clair, ça sert à rien, mais uniquement dans le spectre visible. Et la LED est justement un système qui te permet, à partir d'une énergie que tu vas lui communiquer, on verra comment on communique cette énergie à la LED, elle va la transformer directement à la bonne longueur d'onde, à la bonne énergie, sans perte. Quand je dis sans, j'exagère un peu, mais disons quasiment sans perte d'énergie. Donc il n'y a plus cette perte par cascade. Tu mets, par exemple, tu veux... on va parler donc de... On va avancer un peu sur le plan de la physique. On va parler de photons, c'est plus simple pour moi. Donc on rappelle que la lumière est faite de grains, qu'on appelle des photons. Ces photons ont une longueur d'onde, et associés à la longueur d'onde, par une relation relativement simple, hein, on a l'énergie qui est égale à hc sur lambda, c'est qui est la vitesse de la lumière. Attention, pas de gros mots, on évite les formules. Bon, bref, il faut savoir que tu as une énergie qui correspond à la longueur d'onde, oui. Et si je prends un photon bleu, qui a une longueur d'onde de typiquement 0,45 microns ou 450 nanomètres, tu as une énergie qui correspond à 2,8 électronvolts. Eh bien, une LED, je vais pouvoir appliquer une tension. Et là, on voit tout de suite cette énergie électronvolt qui veut rien dire. Elle va maintenant vous sauter aux yeux. Mm-hmm. Quand je prends une LED et que j'applique, par exemple, 3 volts, 2,8 volts, j'ai un électron qui va la traverser. Et cet électron a une énergie de 2,8 électronvolts. Et si je travaille bien, cet électron va se transformer en photon d'énergie 2,8 électronvolts. Et donc, on verra apparaître la lumière bleue. Donc, on aura de la lumière bleue avec l'énergie que l'on aura communiquée initialement. Donc, on aura une perte, sur le papier, on a une perte nulle d'énergie. Donc, on a un rendement parfait de conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière. Je commence à voir l'avantage, là. C'est impressionnant. Et du coup, on a un rapport un pour un, en tout cas théoriquement, entre ce qu'on fait entrer, ce qui sort. Alors là, on commence à être dans le cœur, effectivement, de ce qui se passe au cœur de la LED. Tu injectes du courant, des électrons. Ces électrons vont ensuite se convertir en lumière. On verra comment ils se convertissent en lumière. En fait, chaque électron va donner un photon. Quand je dis chaque électron va donner un photon, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour ça, il faut faire un certain nombre de travaux, à la fois sur les matériaux, sur la structure même de la LED. Aujourd'hui, on arrive quasiment à ce que 100, si je parle de on parle de rendement, si j'injecte 100 électrons dans la LED, j'en ai 95 qui vont donner de la lumière. C'est-à-dire que 100 électrons vont me donner 95 photons. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendement de conversion quantique électron-photon. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que non seulement je veux avoir un rendement quantique le plus proche possible de 100, pour que chaque électron donne un photon, mais ensuite, il faut que le photon ait la bonne énergie. Donc, je veux en plus choisir le matériau qui me donne un photon qui a la bonne énergie, et l'énergie que j'ai communiquée à l'électron. Et tout ça, c'est de l'ingénierie. Alors, il faut savoir que ces matériaux sont des semi-conducteurs, et ces semi-conducteurs sont finalement peu connus, ce qui est assez étonnant. On connaît, je pense que tu connais le semi-conducteur star, qui est le silicium. Mm-hmm. Malheureusement, le silicium, il est très bien dans les tablettes, dans les smartphones, dans les ordinateurs, mais il n'émet pas de lumière. ça commence. On commence à arriver à faire un peu des lasers un peu particuliers en recherche. Mais en gros, pour faire simple, le silicium n'émet pas de lumière. Il faut aller vers d'autres matériaux. Souvent, ce sont des gros mots, ces autres matériaux. Parce que c'est, par exemple, l'arsénure de gallium. L'arsénure de gallium, t'as de l'arsenic. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Parce que dans ton téléphone, t'as de l'arsenic. En fait, on a tous de l'arsenic sur nous. Parce que tous les composants radiofréquences de com, pour les télécoms, sont à base d'arsenic. Dans le cas des LED blanches, il n'y a pas d'arsenic. C'est très simple, c'est de l'azote qu'on a partout, mélangé à un métal. Alors on connaît l'aluminium. Très proche de l'aluminium, il y a le gallium, qui est vraiment très très proche. Et ce gallium, en fait, mélangé à l'azote, à haute température, donne en fait un cristal, comme le quartz, qui a des propriétés de semi-conducteur. C'est un semi-conducteur qui a des propriétés donc d'émission de lumière. Je crois que je commence à me faire une vague idée de l'aspect théorique, mais après, comment est-ce qu'on concrétise ça ? Alors, tu vas comprendre si on connaît tous le cuivre. Mm-hmm. Si tu prends un fil électrique en cuivre, tu peux toujours lui faire passer du courant. Tu verras qu'il émet de la lumière que si tu fais passer plusieurs ampères et qu'à nouveau, il va chauffer à haute température et encore une fois émettre type corps noir. Ouais. Donc on va dire classique, on oublie, c'est du vieux truc, au rebut, on oublie. Tu n'auras jamais de la lumière comme ce que tu as dans une LED. Donc la question c'est, que se passe-t-il dans certains matériaux pour que, au lieu d'avoir simplement des électrons qui se baladent dans ton matériau, comment tu fais et qu'est-ce qui se passe au cœur de ces matériaux pour que tu aies de la lumière. On appelle ça la luminescence. Alors c'est très vieux, ça a été observé au début du XXe siècle, je crois en 1906, par un russe, qui avait vu qu'effectivement, en faisant passer du courant dans certains matériaux, il voyait de la lumière qui n'avait rien à voir, si tu veux, avec cette émission du corps noir. Alors, c'est quoi un semi-conducteur ? Alors, si tu prends le terme littéral, t'as semi, t'as conducteur, ça veut rien dire. Je pense que pour le commun des mortels, et je dois dire moi-même, avant d'arriver à la fin de mes études, j'ai commencé à peine à comprendre ce que c'était qu'un semi-conducteur. J'ai souvent cette image aussi. Un conducteur, en gros, t'imagines, tu dois traverser la baie de San Francisco, tu as des ponts à un étage, et puis tu as des ponts où tu peux avoir deux étages. Donc tu peux imaginer un système où les électrons vont traverser, se balader sur un seul niveau. Et puis dans les semi-conducteurs, il va y avoir deux niveaux. Tu vas pouvoir décrire ton semi-conducteur comme un système où je peux me promener sur deux passerelles. Et évidemment, ces deux passerelles sont séparées d'une certaine hauteur dans notre monde humain. Dans le monde des électrons, c'est cette hauteur, ça va être finalement l'énergie. On va appeler ça une énergie à nouveau. Et le but du jeu sera de faire passer un électron de la passerelle supérieure à la passerelle inférieure de façon à ce qu'il perde de l'énergie. Alors toi, quand tu sautes, quand tu arrives au sol, tu ressens l'énergie, c'est l'énergie cinétique, et tu vois que plus tu sautes de haut, plus tu vas sentir cette énergie cinétique de façon assez brutale. Mm-hmm. Et bien un électron, plus il va sauter de haut, plus il va perdre de l'énergie. Et en perdant de l'énergie, il ne va pas avoir d'énergie cinétique, mais il va émettre un photon. Donc il va libérer, si tu veux, son énergie qu'il avait initialement sous la forme de lumière. D'accord. Et puis donc, concrètement, c'est le semi-conducteur qui va s'éclairer. Du coup, il va devenir lumineux. C'est ça ? Ah, c'est vraiment le matériau. D'accord. Là, c'est difficile de faire en radio, mais tu prends... Moi, je fais des démos à des jeunes lycéens qui viennent visiter le laboratoire. On leur montre. Tu prends un bout, mais comme ça, de cristal qui est transparent. Tu prends une pile. Tu n'as même pas besoin de faire de technologie complexe. Tu prends une pile, tu appuies comme ça et tu fais passer du courant et tu vois la lumière bleue qui sort. Je crois que je commence à comprendre un tout petit peu mieux. Enfin, ce que j'ai compris, c'est comment on obtient de la lumière bleue à ce stade avec une LED. Enfin, avec cette technologie-là. Après, comment est-ce qu'on fait pour obtenir les autres couleurs ? Alors, comme je t'ai dit, chaque matériau va avoir, si tu veux, on appelle ça, c'est un terme un peu technique, une bande interdite, c'est-à-dire avoir une séparation entre les deux niveaux plus ou moins grande. D'accord. Si tu prends l'arsénure de gallium, il a une séparation qui est dans l'infrarouge. Alors, ces matériaux sont utilisés, par exemple, pour les lasers télécom. Quand tu es en ce moment, on utilise des lasers. Comment tu fais passer ton émission ? Bah, tu as des fibres optiques et tu as de la lumière. Cette lumière est typiquement à 1,3 microns à partir de lasers qui mettent en jeu des matériaux type arsénure de gallium. Mmh. Tu es dans l'infrarouge, c'est parfait parce qu'en plus, les fibres optiques sont transparentes dans ce domaine de longueur d'onde. Ensuite, tu peux changer de matériaux, aller par exemple vers de ce qu'on appelle du phosphure de gallium, tu remplaces l'arsenic par du phosphore, et ça c'est les petites LED vertes que tu as devant toi là qui clignotent. Effectivement. Voilà, donc ça c'est gallium et phosphore. Et puis, si tu changes encore le phosphore par de l'azote, tu as du bleu, violet en fait, tu as du violet, typiquement à 3 électronvolts. Donc c'est, tu vois, c'est très très simple, tu vas jouer. C'est comme des Lego. Tu vas jouer avec ces éléments de ta classification périodique, machin, et tu vas les assembler comme des Lego, et tu vas jouer avec cette séparation entre les différents niveaux d'énergie. D'accord. Cette séparation, elle porte un nom ? Le gap. On appelle ça tout simplement le band gap. Voilà. D'accord. La borne interdite en français. Ah, gap, ça sonne bien, c'est plus péchu. Gap, c'est... d'accord, alors là je commence à comprendre les LED de mon enfance, enfin un peu comme celles que j'ai sur la table de mixage que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire qu'il y a des petites pastilles qui sont vertes quand on parle, et puis quand il y a trop de pastilles vertes qui s'allument, à un moment il y a une pastille rouge qui s'allume, mais la pastille ne change jamais de couleur. Alors tu peux voir effectivement qu'on est assez limité, là on est sur du vert jaune comme je te disais, on est sur du rouge. Il faudrait qu'on crie, je pense, pour qu'on passe dans le rouge, mais on va éviter. Donc en fait... Dès les années 70, notamment aux États-Unis, les chercheurs se sont dit « mais je peux peut-être faire mieux ». C'est-à-dire que là, je suis tout ce que je t'ai dit, tu te dis « c'est assez limité, on a une palette de couleurs qui est liée au matériau ». Est-ce que je peux aller plus loin ? Mm-hmm. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie quantique. Donc la physique quantique, c'est pas quelque chose juste pour faire joujou sur les bancs des étudiants et souvent les planter à l'examen. C'est quelque chose qui marche excessivement bien dans tout ce qui est dispositif type LED et laser. Imagine une toute petite couche. Quand je dis une toute petite couche, c'est typiquement quelques angstroms, donc quelques plans atomiques. Tu prends un matériau et tu vas prendre quelques couches atomiques de ce matériau-là. Et puis tu vas le mettre en sandwich. Ah, tu peux prendre un ticket de métro pour imager. Tu vois la bande noire, ça va être juste ce matériau qui va avoir une bande interdite, un gap qui est tout petit. Et il va être en sandwich avec un autre matériau qui lui a un plus grand gap. Tu peux voir ça comme un puits. On appelle ça d'ailleurs un puits quantique. Comme c'est tout petit, tu vas mettre ton électron là-dedans. Et là, on revient à nouveau à des concepts de base, qui est la dualité onde-corpuscule de De Broglie, 1928. Je suis onde ou je suis corpuscule. Et si tu mets un électron dans une toute petite couche, il se trouve que son onde associée est de l'ordre de grandeur de ce puits quantique. Et donc, tu vas le confiner, tu vas le, comme une corde, si tu veux, d'un instrument de musique, tu vas commencer à avoir des modes qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle des énergies de confinement quantique. Et tu vas pouvoir ajuster du coup l'énergie en jouant avec la largeur du puits quantique. Tu vas plus ou moins, si tu veux, comme un instrument de musique. Tu prends une corde, tu vas pincer sur ton violon, tu vas avoir un son plus ou moins aigu, plus ou moins grave, et là c'est pareil. Tu joues avec la largeur de ton puits, et tu vas pouvoir jouer finement avec ta longueur d'onde. Donc ça, c'est un degré supplémentaire. Et pour te donner une idée aujourd'hui sur les LED, entre les LED bleus et les vraies LED vertes, hein, pas celles que tu as là, parce que ça c'est catastrophique, c'est une technologie d'il y a 50 ans, mais les vraies LED vertes que tu as par exemple dans les feux tricolores aujourd'hui, tu vois ce beau vert, bien vert, quoi, hein, pas ce vert jaune. Eh bien, la différence d'épaisseur du puits quantique, tu passes de 30 angstroms, 25 angstroms, à 35 angstroms. C'est 10 angstroms. Donc ils font contrôler quand tu fais... ta LED, il faut que tu puisses contrôler les épaisseurs de tes matériaux à l'angstrom près. En fait, à la couche atomique, et on sait faire aujourd'hui. Un angstrom, donc, pour ceux qui ne le pratiquent pas tous les jours ? Oui, pour typiquement, alors, un angstrom, c'est 10-10, donc c'est un dixième de milliardième de mètre, Et typiquement, un atome, il faut visualiser les atomes. Moi, je ne comprends pas qu'on n'explique pas aux enfants, dès le plus jeune âge, ce qu'est un atome. Un atome, c'est en gros une boule de pétanque qui fait 3 angstroms de diamètre, à la louche. D'accord, ça donne un ordre de grandeur. Voilà, moi je dis souvent, prenez, si vous voulez sentir les atomes, vous baladez votre main. Nous, on parle d'air ou de courant d'air. C'est ce que vous sentez, c'est les molécules qui viennent frapper votre main. Alors, c'est une petite anecdote comme ça, je racontais à mes étudiants un jour. J'expliquais à mon fils qui avait 4 ans que ce qu'il sentait, c'était les molécules qui tapaient sur son visage. Et puis un jour, il tombe de vélo, puis je lui dis, qu'est-ce que t'as fait ? Il me dit, papa, c'est les molécules qui m'ont fait tomber. Question très bête, pourquoi de pétanque ? Ça, c'est parce que j'ai passé 10 ans dans le sud de la France et j'ai toujours... Voilà. Je croyais que c'était parce qu'il y avait une autre raison, donc je me tais. Ok, bon alors maintenant, je commence à mieux faire le lien. C'est-à-dire que sur mon téléphone, là, en ce moment, j'ai une petite LED qui clignote. Elle est bleue aujourd'hui parce que, je sais pas, j'ai reçu un truc, un mail. Souvent, ce que je reçois, elle est parfois bleue, parfois verte, parfois jaune. Je crois que j'ai compris comment elle peut changer de couleur. Mais il y a un truc qui m'échappe encore, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire de la lumière blanche, enfin une couleur à la fois, je comprends, mais de la lumière blanche, comment c'est possible ? Alors, tu pourrais dire, dans ce cas-là, très simplement, je vais prendre un ensemble de LED, je vais finalement recomposer l'arc-en-ciel à partir de mes LED. Mm-hmm. La lumière blanche, on la voit... quand tu as un arc-en-ciel ou à travers des fois une vitre qui va décomposer ta lumière, tu vas avoir donc l'ensemble de ce spectre qu'on connaît très bien. Et tu pourrais dire, je vais prendre des LED violettes, bleues, vertes, jaunes, rouges, oranges, etc. Et puis, je vais mélanger l'ensemble des spectres d'émission des LED pour avoir cette lumière blanche. Ça marche très bien. Mais un, c'est très compliqué et du coup, ça coûte très cher. Donc en fait, on va plutôt mystifier l'œil. Il faut savoir que si tu prends du bleu et du jaune en peinture, c'est une synthèse soustractive des couleurs et tu vas avoir du vert. Par contre, si tu fais du bleu et du jaune en synthèse additive, et c'est ce qui se passe au fond de notre œil, tu vas avoir du blanc. Donc le moyen le plus simple pour générer de la lumière blanche, c'est de prendre du bleu et du jaune. Là encore, tu peux te dire, je vais prendre une LED bleue et une LED jaune. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire de LED jaune efficace. On sait faire des LED jaune-verte, mais une vraie LED jaune qui est très performante, c'est-à-dire qui effectivement convertit de façon efficace la lumière, etc., en jaune, on ne sait pas faire. Du coup, on contourne le problème en prenant une LED bleue et on va l'encapsuler d'un luminophore jaune. Un luminophore ? Un luminophore, c'est un matériau qui va avoir des propriétés de transformer la couleur. Un filtre ? C'est pas un filtre. C'est, si tu veux, des alliages qui mettent en jeu des terres rares, des matériaux assez complexes, des composés assez complexes, qui, lorsque tu les éclaires, c'est les vieux tubes cathodiques, hein, tu peux les éclairer avec de la lumière ou avec un faisceau d'électrons, tu tapes dessus, tu leur apportes de l'énergie, et ils vont réémettre à une certaine longueur d'onde. Mmh. Donc un luminophore, par exemple, si tu tapes avec de la lumière bleue ou même avec un faisceau d'électrons, c'est ce que tu as derrière ces écrans, tu vas avoir, les vieux écrans tubes cathodiques, donc tu tapes avec ta lumière bleue sur ce matériau-là, et cette lumière bleue va être absorbée, et ensuite convertie en jaune, ou en rouge, ou en vert, ça dépend des matériaux. Et tu t'arranges, si tu veux, pour avoir une partie de la lumière bleue qui passe à travers et une partie qui va être absorbée et transformée en jaune. Et tu vas ajuster l'épaisseur de ton luminophore qui couvre ta LED bleue de façon à ajuster les intensités. Et en fait, le blanc, tu peux tirer une droite entre ton bleu et ton jaune. Et on appelle ça le diagramme de chromaticité, où tu as l'ensemble des couleurs. Donc tu imagines en fait une carte X et Y. Ça, c'est ce qu'on appelle des coordonnées. C'est comme ça qu'on définit d'ailleurs une couleur. Parce que tu me dis, comment tu définis une couleur ? Chacun voit une couleur de façon très personnelle et qui dépend de la physiologie de chacun. Donc pour éviter ce problème, la Commission internationale de l'éclairage a défini un diagramme de chromaticité et tu peux donc associer des coordonnées X, Y à chaque couleur. Pour le blanc, c'est typiquement 0,3, 0,33, 0,33. Donc si je reviens sur la synthèse de ce blanc, tu vas avoir le bleu d'un côté, le jaune de l'autre, tu tires une droite et tu as des coefficients, tu vas ajuster les intensités respectives du bleu et du jaune pour trouver le blanc et arriver au blanc. Et c'est pour ça que si tu prends une LED éteinte, tu verras toujours que c'est jaune, jaune ou orange. D'ailleurs, si c'est bien jaune, tu auras une lumière blafarde, un blanc froid. Si c'est jaune-orange, tu auras une LED chaude, parce que ça veut dire que le luminophore a une composante rouge dans son spectre. Excellent. Bon, là, on parle des ampoules qu'on a à la maison. Un écran de téléphone portable, par exemple, les technologies OLED, AMOLED, tout ça, c'est aussi des LED ? C'est le même principe. Ce qui change, c'est le matériau. Dans une OLED pour organique, on va avoir des matériaux qui ne sont pas des matériaux inorganiques, comme le sont donc les LED bleus. Et je dirais que toutes les lampes pour l'éclairage aujourd'hui sont à base de matériaux inorganiques, de semi-conducteurs inorganiques. Donc on va avoir des chaînes carbone, hydrogène, oxygène. Organique, c'est ça que ça veut dire, hein, bêtement. Ça ne veut pas dire bio ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire issu du vivant, ça veut dire... C'est des chaînes carbonées, hydrogène, oxygène. Mmh. Ok. Alors ça marche très bien, ça a juste un petit inconvénient, c'est que ça ne supporte pas très bien le passage du courant. C'est-à-dire que dès que tu fais passer du courant, tu vas avoir une dégradation de ces matériaux. Donc ça passe très bien pour l'affichage, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de lumière. Par contre, pour l'éclairage, il faudrait faire passer trop de courant, si tu veux, dans le matériau, et il ne supporterait pas. Du coup, les lampes OLED sont plutôt sous la forme de grands panneaux. On commence à voir ça en architecture, c'est utilisé principalement pour des choses assez pointues et encore une fois design, ça coûte très très cher. Tu es obligé de multiplier la surface pour avoir une quantité de lumière suffisante par unité de surface. Alors tu pourrais me poser la question, mais finalement, je me la pose à moi-même. Ah, vas-y, moi je me sers un peu. Donc, pourquoi finalement ça vieillit plus mal qu'une LED inorganique ? Là encore, c'est qu'il faut aller au cœur de la matière, tu as des énergies de liaison, et quand tu prends des chaînes organiques, ces énergies de liaison sont faibles. Comme elles sont faibles, c'est fragile. Alors ça, c'est très bien pour l'évolution du monde que l'on connaît, le nôtre, le monde du vivant. C'est grâce justement à ces énergies de liaison faibles qui permettent la création de défauts et une évolution, et au contraire, à l'opposé du monde minéral, comme le sont les LED inorganiques qui ne bougent pas, parce que les énergies de liaison sont très importantes et donc rien ne se passe. On a abordé tellement de fois la question de l'évolution sur Podcast Science, mais jamais sous l'angle des énergies de liaison. Je crois que c'est une grande première. Et là-dessus juste, la durée de vie du coup d'une LED inorganique, là, c'est quoi ? Parce que je sais que c'est increvable, mais il y a bien une durée de vie, non ? C'est un très gros problème aujourd'hui. Les durées de vie sont telles, on part de 25 000 à 50 000 heures, que quand tu regardes le vieillissement d'une LED, je parle des LED, attention, quand je dis LED, moi je parle que des produits de bonne qualité. Je parle pas des LED qui ont 10 à 15 ans de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en R&D et dans les meilleures boîtes. Pas des LED de la table de mixage d'Alan, quoi. Oui, mais même les LED blanches, t'as des LED blanches encore que tu trouves pas chères. On pourra reparler aussi de la qualité des LED. Donc prenons les LED à l'état de l'art. Quand tu les regardes sur des bancs de mesure, tu n'arrives même plus à voir le vieillissement. C'est-à-dire que tu peux rester 3 ans. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un collègue d'une grosse boîte, Philips, pour pas la nommer, Lumiled. Il ne voit pas le vieillissement de la LED sur des échelles de temps de 3 à 4 ans. Donc comment tu fais pour donner même les valeurs qu'on te donne ? Elles sont extrapolées à partir de modèles qui ne sont plus valables. Parce qu'on fait des tests en faisant des vieillissements accélérés, en montant la température. Ce qu'on faisait traditionnellement, si tu veux, sur les composants type laser d'il y a quelques années, aujourd'hui, on ne voit pas vieillir. Donc il faut essayer de trouver des protocoles et que les compagnies se mettent d'accord sur des protocoles de mesure qui permettent effectivement d'avoir une idée de la durée de vie d'une LED. Alors ça n'empêche pas que tu peux toujours avoir un défaut type catastrophique, c'est-à-dire un jour ça lâche et ça tu sais pas pourquoi. Enfin, si, généralement, ils savent, mais tu peux pas prédire. D'accord. Moi, j'ai juste une dernière question sur, sur les ampoules LED à proprement parler. Est-ce qu'elles sont sensibles au start-stop, à ces trucs qui font vieillir les ampoules traditionnelles? Alors, sur le principe du fonctionnement physique, il n'y a aucune raison que les LED soient sensibles aux procédures d'allumage. En revanche, tu peux avoir quand même un stress, tu peux avoir une contrainte qui, à la longue, crée effectivement un défaut majeur de fonctionnement. Et ça arrive sur certains composants. Encore une fois, c'est pour ça que c'est très cher. La fabrication aujourd'hui d'une LED blanche, pour qu'elle soit très performante, est très complexe. Et elle met en jeu des matériaux qui, paradoxalement, sont pleins de défauts. Ils sont bourrés de défauts. D'ailleurs, il y a eu pendant 10 ans des batailles pour comprendre pourquoi ça marchait, parce que quand tu regardes les matériaux, c'est terrible. Et pourtant, ça marche. Et il peut, à un moment donné, effectivement, avoir, si tu veux, ta couche. Donc, il faut peut-être juste avoir une idée de la taille d'une LED. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 mm par 1 mm. Les plus grosses font 3 mm par 3 mm. Et l'épaisseur de la couche, c'est en gros 1 micron. Je ne sais pas si tu vois. Et 1 micron, juste pour encore une fois avoir une idée, un cheveu, le diamètre d'un cheveu, c'est 50 microns. D'accord. Donc, c'est 1 cinquantième le diamètre d'un cheveu. Donc, c'est excessivement fin. Et la lumière va être produite, encore une fois, dans une couche qui est encore plus fine, qui va faire typiquement 30 angstroms, c'est-à-dire 10 plans d'atomes. Donc, toute la lumière, quand tu cours ou sur ton vélo, c'est produit dans une couche qui fait 10 plans atomiques. Donc, cette couche-là, qui est très fine, elle est très fragile. Donc, il peut arriver qu'elle se casse, qu'elle se brise en deux, et là, du coup, ça ne marche plus. Ouais. Voilà, ça peut arriver. Quelques remarques là sur la chatroom. D'abord sur l'effet start-stop, je crois que c'est Yves qui dit que bah non, c'est pas sensible à l'effet start-stop, sinon on les foutrait pas dans les guirlandes. C'est pour l'explication non technique. Sinon, une autre remarque assez intéressante qui est revenue plusieurs fois, je crois que c'est aussi Yves, il dit que finalement, avec toutes les qualités des LED, le gros défaut des LED, c'est ce foutu circuit électrique qu'on est obligé de mettre autour, qui lui vieillit, lui a des problèmes, lui perd en rendement, etc. quoi. Alors, là encore, tout dépend de la qualité du circuit électrique du driver, hein, pour être plus court, que l'on met derrière. C'est clair qu'en fonction, et c'est là où on va avoir une différence de prix dans les LED, elle va se jouer sur la qualité du circuit électrique, du driver, et du luminophore, du matériau que l'on met dessus. Il y a énormément de brevets, de protections. On trouve aujourd'hui des LED, des lampes à LED qui sont très peu chères, d'autres qui sont 10 fois plus chères. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est du marketing comme les produits de luxe, ou est-ce qu'il y a une forte valeur ajoutée, ou est-ce que c'est vraiment... Et il se trouve que c'est vraiment, il y a derrière des différences importantes de qualité, à la fois sur le driver, et sur effectivement ne serait-ce que le rendement de conversion du driver, et sur la stabilité en fait du luminophore. Il faut savoir que certains matériaux sont sensibles à l'humidité et vont vieillir avec le temps. Et la couleur de la LED risque d'évoluer avec le temps. Yves dit aussi qu'une LED peut vieillir parce qu'elle est trop chaude si son globe est mal ventilé. Alors j'étais en train de lui poser la question, j'étais un peu étonné qu'il dise que ça chauffe, parce que si j'ai bien compris, ou alors j'ai mal écouté parce que je lisais la chatroom, ça chauffe pas une LED. Alors, je me suis arrêté à la théorie. Hein. Maintenant, d'accord, on va passer à des chiffres qui concernent effectivement le monde réel. Quand je parle de rendement de conversion, c'est le rendement donc de conversion d'un électron en photon, et ça, il est de typiquement 95%, allez, 90%, ce qui est quand même déjà pas mal. Le problème, c'est que le photon que j'ai créé, il est dans mon matériau. Il est bien au chaud, il n'a pas envie de sortir. Ça, c'est lié aux indices de réfraction. Il se trouve que l'air a un indice de réfraction de 1, et ces matériaux, pour les connaisseurs, ont un indice de réfraction de 2,2. Et ça, c'est Descartes, Snell-Descartes, pardon, c'est Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes. Quand vous avez une interface entre deux milieux, hein, c'est l'eau, la réflexion de la lumière sur l'eau, eh bien, vous allez avoir les photons, la lumière qui va être réfléchie. C'est-à-dire que si je ne fais rien, il faut savoir que si je ne fais rien, il y a très peu de lumière qui sort de mon semi-conducteur. Typiquement 20%. Donc je pars de 90% qui est le rendement électron-photon, mais ensuite mes photons, j'en ai que 20% qui vont sortir. Donc j'en suis à 18% de rendement, ce qui est très faible. 5%, j'ai dit, pour une lampe à incandescence, et là, finalement, je suis à 18. C'est pas terrible, on va dire un facteur 3. 4, c'est pas terrible. Donc, je dois travailler sur l'extraction de la lumière. Et là, il y a eu plein de travaux qui ont été faits dans les laboratoires de recherche, et on sait faire aujourd'hui des architectures qui permettent d'extraire la lumière, en fait, du matériau. Et pour donner un chiffre, on est aujourd'hui à 90% d'extraction. Donc on est à 90% de rendement interne, 90% d'extraction, ce qui fait 80% de la lumière en dehors de la LED. Mais c'est pas fini, parce que là, je parle de rendement quantique. Or, le rendement énergétique, c'est pas tout à fait la même chose, parce que quand je vais injecter les électrons, le courant dans la LED, il faut une certaine tension. J'ai parlé d'une certaine tension. Il faut que cette tension soit la plus proche possible de l'énergie des électrons qui vont sortir. Enfin, disons, l'énergie des électrons correspondant donc à électrons fois la tension. Maintenant, la question, c'est comment j'injecte mes électrons? Et ça, c'est un autre problème technologique. Je dois pouvoir faire passer de fil électrique, d'un métal, des électrons dans un matériau qui n'est pas un conducteur, qui est un semi-conducteur. Et ça, c'est pas simple. Il faut que je trouve, j'ai une interface hétérogène de différents matériaux, et je vais avoir des barrières énergétiques que je dois franchir. Il faut que je trouve des moyens d'éviter ces barrières, sinon je perds de l'énergie. Et même si j'ai bien travaillé, je vais quand même perdre un peu d'énergie. Et donc, cette énergie, elle va se traduire par de la dissipation sous forme de chaleur. Et au final, on parle en fait le vrai rendement, alors on le trouve sur les lampes, on parle de lumen par watt, c'est-à-dire de lumière utile pour l'œil par rapport à la puissance électrique qui est injectée. Il faut savoir qu'on va parler aussi de rendement à la prise, de wall plug efficiency, WPE, qu'on trouve des fois sur certains emballages. Et on est aujourd'hui donc de rendement énergétique, ce qui est plus simple de partir en rendement énergétique, on est aujourd'hui à typiquement 50 à 60%. Au maximum. Et c'est le mieux qu'on sache faire. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Là, tu es en train de nous parler de ce que vous arrivez à obtenir en laboratoire ou de ce que j'ai dans ma lampe, mon ampoule que j'achète chez Ikea? Alors, c'est encore plus compliqué, à savoir que si j'ai un rendement maximum qui est aujourd'hui donc 60% de rendement de conversion énergétique, pour ça, il faut que je travaille à des courants relativement faibles. Or, si je veux vendre un composant pas trop cher, il faut que j'ai beaucoup de lumière pour un minimum de matière, parce que ça coûte très cher, le matériau coûte très cher. Donc je vais faire passer un maximum de courant dans une surface, dans un volume tout petit. Du coup, on va parler de densité de courant. Je vais avoir beaucoup d'électrons au cœur de la LED. Et quand je mets beaucoup d'électrons au cœur de la LED, eh bien je vois le rendement qui s'écroule. C'est-à-dire que le rendement va passer par un maximum, qui est 50-60%, puis après il va chuter jusqu'à 20%. Et donc il y a un compromis entre ce maximum, disons le point de fonctionnement qui te donne le maximum de rendement, et puis les contraintes économiques qui est que je veux un maximum de lumière pour un minimum de matière. Et alors, là, on va dans des considérations compliquées d'effet OG. Il y a aujourd'hui un processus physique qui limite le rendement à fort courant. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui le gros, je dirais, ce sur quoi la recherche aujourd'hui travaille activement, c'est d'essayer de contourner cet effet physique qui fait que le rendement s'écroule. D'ailleurs, si vous prenez, pour les connaisseurs, si vous prenez une courbe de rendement, vous verrez qu'on fonctionne toujours autour de 350 mA, qui est le compromis entre le rendement et l'économie que l'on peut faire en faisant passer un maximum de courant. Cet effet physique, il porte un nom? Il porte le nom d'un Français. On peut le dire quand même. OG. D'accord. J'ose pas critiquer la France en ce moment, donc. Non, c'est vrai, faut pas trop leur taper dessus. Donc, ça, c'est les axes de progression sur lesquels les chercheurs bossent actuellement. Bon, évidemment, si on savait ce que donnerait la recherche, il n'y aurait pas besoin de rechercher, quoi. Mais on a des stratégies pour y arriver. Il y a différentes stratégies, j'imagine. Alors, encore une fois, c'est un effet intrinsèque. Donc, a priori, on peut se dire qu'il n'y a rien à faire. Mm-hmm. Évidemment, le chercheur va essayer de contourner. On sait que ça dépend de la densité. Donc, on va essayer de réduire la densité. Alors, pour ça, par exemple, au lieu d'avoir... J'ai parlé d'un puits quantique, on va être plusieurs puits quantiques. Donc, on va répartir les électrons dans différentes couches. Comme ça, en réduisant le nombre d'électrons par couche, on réduit cet effet. Mm-hmm. On va essayer peut-être de recycler les électrons qui sont perdus par cet effet. Donc, les gens cherchent. Alors là, c'est relativement secret. Il faut savoir que les enjeux, on n'a pas parlé de chiffres en termes de LED, mais le marché des LED, c'est déjà aujourd'hui 10 milliards d'euros. Et typiquement, en 2020, on prévoit des marchés de 20 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment des marchés importants. Donc, dominés par des grosses boîtes qui, généralement, communiquent peu sur ce qu'elles font. Et là, on peut dire quand même que la recherche universitaire est relativement loin par rapport à ce qui se fait dans ces boîtes. Je crois que c'est un tournant depuis les années 70, où on avait des grands centres de recherche, type par exemple Bell Labs aux États-Unis, où d'ailleurs, le privé investissait pour avoir une recherche fondamentale. Et aujourd'hui, c'est tellement stratégique que la plupart du temps, la recherche, notamment dans ce domaine, dans les compagnies type Philips, Osram ou autres, est plus en avance que la recherche universitaire. On n'arrive pas à suivre, parce qu'on n'a pas les moyens. Ah ouais, c'est incroyable, ça, c'est la première fois que j'entends ça. D'accord. Parce qu'on est sur la recherche appliquée, donc c'est justement très intéressant de voir qu'à un moment donné... Même si moi je travaille sur le sujet depuis 20 ans, alors bien sûr je ne travaille pas d'ailleurs sur les LED, je ne développe pas sur les LED parce que je sais que je ne peux pas concurrencer ces boîtes, ou alors peut-être justement sur les FEOG, sur des choses très fondamentales. Donc on a eu des collaborations avec certaines compagnies, mais sur des aspects très amont. Si je veux lutter par exemple et essayer de dire je vais sortir une LED qui sera plus performante que celle qui vient d'Osram, Philips ou Nichia, je sais que c'est perdu d'avance. Ok. Mais du coup, il y a des collaborations entre le monde de l'industrie et le monde académique ? Ou bien est-ce que c'est complètement cloisonné ? Comment ça se passe ? Sur ce domaine, les boîtes sont relativement frileuses, car elles ont peur en fait que leur savoir-faire fuit à travers des collaborations universitaires. Donc elles vont collaborer sur des aspects très amont. Par exemple, aujourd'hui, on va dire que un des axes importants de la recherche, ça va être les LED ultraviolettes. Pour la purification. On peut imaginer, il y a déjà des boîtes qui commencent à produire des startups, des LED ultraviolettes pour par exemple purifier l'eau en ligne. Mm-hmm. On imagine une petite turbine sur un tuyau en Afrique qui alimente une LED ultraviolette. Il faut être typiquement à 280 nanomètres. En dessous de 280 nanomètres, tu vas pouvoir utiliser ta LED pour tuer les bactéries. Donc tu pourrais imaginer avoir une purification en ligne de ton robinet, de l'eau à la source de ton robinet. Donc ça, c'est aussi un nouveau domaine. Et là, typiquement, Osram, en Allemagne, a des collaborations avec des collègues universitaires. Par contre, purement sur la lumière blanche aujourd'hui, les collaborations sont très limitées, car sujet trop sensible, trop stratégique, et j'irais trop abouti d'un point de vue recherche académique. Mmh. Sur les domaines, justement, les applications, c'est vrai que ça m'avait pas effleuré un instant qu'il puisse y avoir un lien entre les LED et la purification de l'eau. Il y en a d'autres comme ça qui seraient un peu inattendus de la part du grand public. Alors, c'est notamment le chou. Le chou, attention. ça c'est la question bonus. Quel est le lien entre le chou et la LED? Je suis très sérieux. Tu as des effets. Le chou a des vertus extraordinaires. Le chou protège du cancer. On a découvert qu'effectivement, manger beaucoup de chou protégeait, disons, d'un certain nombre de cancers. Et on a remarqué aussi qu'on pouvait accélérer la croissance des choux en les éclairant à la bonne longueur d'onde. Ok. Donc on commence à utiliser des LED à certaines longueurs d'onde. Donc j'ai un collègue à Berlin qui étudie l'influence de LED à des longueurs d'onde très spécifiques sur les choux pour augmenter la croissance, avoir des choux qui poussent plus vite. Les choux uniquement? J'imagine que c'est juste pour le plaisir de l'exemple, c'est ça? Non, non. Mais ça marche avec. Ça peut être des fleurs, ça peut être un certain nombre de légumes. Alors là encore, j'avais dit en préambule que les LED c'était génial, c'était super. Si on en met partout, et typiquement pour ça, je suis pas sûr que ce soit effectivement très très intéressant d'un point de vue énergétique. Ah oui, la recherche académique, du coup, donc, de ce que je comprends, elle est très marginale par rapport à l'ensemble de la recherche sur le domaine. Mais vous êtes plusieurs labos à travers le monde à travailler là-dessus. Est-ce que vous avez des domaines de spécialité? Vous êtes en concurrence? Vous collaborez? Ça se passe comment? Typiquement, tu peux dire que la communauté dans le domaine se situe à plusieurs milliers de chercheurs. Une conférence dans le domaine aujourd'hui, c'est 1000 personnes. On est donc plusieurs milliers. Là encore, c'est assez étonnant. On pourrait refaire une émission sur où en est la recherche aujourd'hui, notamment au niveau communication. Tu vas avoir des travaux publiés qui sont, pour connaître, avoir un certain nombre de connaissances et de relations dans des boîtes, on te dit, mais c'est hallucinant de voir la piètre qualité des travaux qui sont publiés aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui publient des recherches sur des LED avec 10 ans de retard, ou des choses qui sont complètement fausses, qui sont bidons, avec des matériaux pourris, et pourtant c'est publié. Donc il y a une déconnexion entre ce qui peut se faire dans certains laboratoires académiques et le monde de la recherche industrielle. C'est très étonnant. Là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Qui c'est qui publie les papiers pourris? C'est le monde académique ou... Le monde académique, oui. Tu as aujourd'hui, parce que si tu veux, les agences de financement vont se dire « Ah, c'est super, les LED blanches, je vais pouvoir économiser de l'énergie. » Donc tu vas pouvoir avoir un projet où tu vas travailler, etc. Mais tu es tellement loin de ce qui se fait de l'état de l'art que finalement, les performances de ton dispositif ne te permettent pas de mettre en évidence que ce que tu as fait est vraiment intéressant pour l'industrie. Parce que en même temps, l'état de l'art non académique est inaccessible, c'est ce que tu expliquais juste avant. Exactement, ouais, parce qu'on est en fait, sur les LED, on est dans une physique qui est très bien connue. On n'a pas révolutionné la physique des semi-conducteurs. La physique des semi-conducteurs a 60 ans, donc si tu veux, tu n'inventes rien. Et en fait, la différence se fait sur l'ingénierie, sur la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, c'est l'amélioration des matériaux, c'est le design des structures. Et le design des structures, c'est faire des structures, c'est faire des composants, faire varier les épaisseurs, faire varier la composition des matériaux. Et ça, c'est simplement du temps, des moyens. Et finalement, je ne devrais peut-être pas dire ça, il faudra peut-être couper au montage, mais il n'y a pas de montage. Mais le monde académique est loin derrière, quoi. Très très loin derrière. Mais c'est fou. Et cette histoire. C'est d'autant plus amusant que tu nous dises ça, parce que toi tu es dans le monde académique. Alors je suis dans le monde académique, et comme je l'ai dit, moi je ne travaille pas directement sur les LED. Je D'accord. travaille sur ces matériaux-là. Et on essaie de à partir de ces matériaux-là, de trouver des dispositifs et de regarder ce qui se passe en amont. Par exemple, on s'intéresse à l'interaction, nous, de la lumière dans la matière, et on a montré pour la première fois qu'on pouvait avoir une condensation de Bose-Einstein à température ambiante. On voit tout de suite que ça fait plus physique. Hein. Ah ouais, là. Donc on va mélanger les électrons avec les photons pour faire des quasi-particules qui sont des bosons. Et ces bosons, comme l'avaient prédit Einstein et Bose en 1924, et qui ensuite, ça s'est fait en 1995 avec des atomes, on a pu montrer qu'on allait avoir une nouvelle phase quantique. Donc on essaie, nous, vraiment de regarder des choses beaucoup plus amont. Et évidemment, comme on travaille sur ces matériaux-là, on va dans les conférences, on est en contact avec des boîtes. Et peut-être pour dire un peu le système, comment fonctionne un laboratoire. On est sur des matériaux, encore une fois, qui ont des enjeux très important en termes de marché et d'application. Et on a ce savoir-faire. Nous, on fabrique les matériaux, on sait faire des lasers. Et typiquement, une petite boîte est venue nous voir, une boîte de Zurich, qui faisait des composants très, très particuliers pour les gyroscopes optiques, par exemple. Et puis pour l'imagerie médicale, elle nous a dit « Ah, vous travaillez sur ces matériaux-là, on voudrait un composant qui soit dans le bleu-vert avec telle particularité. » On a dit bah, « Écoutez, on fait un projet, on a fait un projet grâce à la Confédération Suisse, très appliqué, où là, on a eu en fait deux ingénieurs à la maison, chez nous, au laboratoire, avec deux post-docs. Ils ont travaillé de concert, ils n'ont pas publié, il y a eu des brevets. C'est de la recherche appliquée, et en parallèle, on arrive à faire de la recherche fondamentale. Donc il faut arriver à jongler avec les deux, et je dirais que c'est ce que j'apprécie aujourd'hui, finalement, dans le système universitaire suisse, c'est de pouvoir avoir un pied dans les applications, avec des contrats à court terme, avec, très ciblés. Ça se voit pas dans les publications, hein. C'est pour, je dirais, pour l'ego du chercheur, ces fois c'est un peu difficile parce qu'il a pas son nom sur une publication. Par contre, on a eu par exemple un petit projet avec une boîte en Suisse allemande, un équipementier qui avait été contacté par deux boîtes en Asie, qui sont très connues, qui font des télévisions, pas très chères, donc on peut savoir lesquelles. Et grâce à notre collaboration, ils ont pu vendre leur équipement parce qu'on a démontré que leur système permettait d'avoir des LED de bonne qualité. Donc nous, on sait faire des LED, mais on les utilise plutôt pour aller regarder des choses plus amont. Par exemple, on a aussi, avec une start-up de l'EPFL, un début de collaboration pour faire des Google Glass, pour aller faire de l'illumination directement dans l'œil. Ou un autre exemple, on a une collaboration avec Harvard Medical School pour faire un implant dans le cerveau. On va prendre des LED, on va modifier, on appelle ça l'optogénétique, qui est en train d'être un boom, c'est en train d'exploser dans le domaine aussi de tout ce qui est biologie. On va modifier avec un virus les cellules, on va mettre une protéine qui est sensible à la lumière, qui est un dérivé de l'opsine, et puis grâce à nos LED bleus, on va aller exciter directement le cerveau, la cochlée, et on va pouvoir essayer, disons, de créer un implant grâce à une stimulation non plus électrique, mais optique. C'est hallucinant. Excuse-moi, ce que j'étais en train de lire... Pardon, pas de souci. Donc, tu lisais un commentaire d'Yves dans la chatroom. Ouais, alors... Pour replacer peut-être ce commentaire, en fait dans la chatroom ça papote, je ne l'ai pas encore encadré parce que je ne savais pas trop, ils sont en train de papoter sur le fait que les LED, on arrive à fabriquer des choses toutes petites, et ils comparent ça en fait à la taille des gravures des CPU. Oui, alors en fait ça n'a rien à voir parce qu'effectivement le procédé de fabrication est complètement différent. Dans le cas d'une LED, on n'a pas parlé de la fabrication, donc une LED, vous prenez un substrat, qui va être votre base. Imaginez une pizza, vous prenez une pâte, et dessus vous allez mettre une fine couche, et c'est les ingrédients de la LED. Donc typiquement pour une LED bleue, on va partir d'un substrat qui est à base de saphir, qui coûte rien. On sait faire des cristaux, des monocristaux de saphir énormes, typiquement à 15 cm de diamètre sur 1 mètre de haut, et on va découper ensuite des galettes qui vont faire typiquement 0,5 mm d'épaisseur. Et encore une fois, on est aujourd'hui sur du 10 à 12 cm de diamètre. Ce saphir, donc c'est simplement de l'aluminium et de l'oxygène à L2O3. On appelle ça du rubis de temps en temps si on veut mettre une impureté qui fait que c'est coloré. Hein, ça vaut rien du tout. Les pierres semi-précieuses que l'on a comme ça dans les bijoux, ça vaut absolument rien. Donc pour vous donner une idée, nous on a des substrats saphir, ça vaut 10 $ à peu près le saphir parfait. Et ce saphir... on est capable de le préparer pour qu'il soit parfaitement plat. Donc c'est un cristal parfait, et dessus on va déposer donc ces couches de semi-conducteurs qui sont aussi un autre cristal avec un autre arrangement, et c'est là où on va avoir un peu des difficultés, parce que comme c'est pas deux matériaux identiques, on va avoir des défauts qui vont apparaître. Néanmoins, on empile ces couches, et c'est là où on va créer le puits quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va changer d'élément pour créer cette toute petite couche très fine qu'on appelle le puits quantique. Voilà, donc c'est comme ça, c'est un empilement de couches atomiques qui permet cette fabrication, et ce contrôle très précis des épaisseurs vient donc d'un empilement vertical. Maintenant, si on revient sur les CPU, sur les transistors et la technologie CMOS, les CMOS, là on a des technologies de gravure, c'est ce qu'on appelle un processus de fabrication planaire, où on va venir ensuite définir les motifs par-dessus. Donc c'est plus dans le matériau, c'est par-dessus, et ce qui explique la différence. Et c'est plus difficile d'aller faire 3 angströms. On sait faire aujourd'hui, on sait faire en fait ce qu'on appelle avec de l'écriture électronique, on prend un faisceau d'électrons, et on est capable aujourd'hui d'avoir une résolution de quelques nanomètres latéralement. Donc on est capable d'écrire grâce à ce faisceau d'électrons. Et on sait faire, on travaille d'ailleurs, nous on regarde des choses comme ça en faisant de tout petits objets de l'ordre de quelques nanomètres grâce à cette écriture électronique. Nico, on avait autre chose dans la chatroom ? Non, ça fait un petit moment que ça parlait de ça, donc c'était bien de faire le point. Mais écoute, je vais rebondir sur aussi un commentaire sur le rubis et sur le diamant. Là encore, on sait faire du diamant synthétique parfait, sans défaut, parfaitement transparent. La chatroom est complètement choquée que tu dises que tout ça vaut rien. Ils disent que tu as ruiné la reine d'Angleterre en 2 phrases, quoi. J'ai du mal à cacher mon sourire. Il est content. Oui, donc, si on revient sur ce que l'on fait, alors par exemple sur le diamant, on a eu un projet européen où on a développé des composants de puissance, des transistors, pour fonctionner à haute température, pour avoir par exemple de l'électronique qui puisse être embarquée directement auprès de moteurs, ou par exemple dans des missions, tu peux imaginer des missions spatiales où tu as haute température, tu as besoin de composants qui fonctionnent à 300, 400, 500 degrés, ce que le silicium ne sait pas faire. Et on a là encore mélanger ce semi-conducteur GaN sur du diamant pour faire des transistors sur diamant. Le diamant a l'avantage d'être un très bon conducteur thermique et du coup tu peux faire fonctionner ton transistor à très haute puissance avec beaucoup de courant qui va passer dedans. Tu vas pouvoir dissiper la chaleur très efficacement grâce à ce diamant. Donc ça, c'était un projet européen que l'on a eu notamment avec De Beers. En fait, c'est Element 6, qui est une filiale de De Beers et qui fait du diamant synthétique. Alors là, c'est intéressant aussi de savoir que De Beers a une filiale, Element 6, qui fait des composants et des diamants synthétiques, et ils contrôlent parfaitement cette fabrication parce qu'ils pourraient effectivement jouer sur le prix du marché du diamant naturel. Bon, ceci dit, ce que tu as pas révélé, c'est qu'un... Enfin, les diamants que vous utilisez, ils sont moches. C'est pas... Ils sont, je dirais, parfaitement purs et parfaits. On a des diamants parfaitement transparents. Alors, ils sont pas taillés. Ils sont en petites plaques. Typiquement, la dimension va être... le plus gros qu'on ait eu, c'était typiquement 3 mm par 5 mm. Donc, imagine un petit rectangle de 3 par 5 mm et de 500 microns d'un demi-millimètre d'épaisseur. Mais ça, c'est parce qu'il a été taillé en tranches. Donc au départ, tu avais quand même un diamant synthétique, parfaitement transparent, de plusieurs millimètres cubes. D'accord. J'avais cette image des diamants utilisés en labo, un peu comme une espèce de poudre jaunâtre. Alors ça c'est relativement facile à faire, effectivement, et ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, Element 6, donc De Beers, a développé des processus haute pression aussi, on appelle ça en croissance en phase vapeur, et on arrive aujourd'hui à avoir une qualité excellente. D'ailleurs, on commence à Grenoble, au Leti, il commence à y avoir, et aussi au CNRS à Grenoble, des gens qui commencent à arriver à contrôler la croissance du diamant en couche mince pour faire des transistors. Ok, et puis dans ton labo, vous avez fait des percées récemment, ou des choses... Alors, on est surtout, je dirais, connu pour cette condensation de Bose-Einstein à température ambiante, donc sur des aspects très fondamentaux. Et l'idée derrière, c'est d'utiliser cette... Il y a deux choses. Ces phénomènes fondamentaux, il y a des vortex. Donc on essaie en fait de voir ce qui peut se passer dans des phases quantiques où tu as des effets de superfluidité, tu pourrais transférer une information à longue distance, donc c'est pas très loin de la supraconductivité. Donc il y a des choses comme ça autour de ce phénomène. Et puis, d'un point de vue application, tu pourrais imaginer un composant qui fonctionne, un laser qui fonctionne quasiment sans seuil, avec très peu de courant, parce que tu n'as plus besoin, alors là je rentre dans le détail, mais tu n'as plus besoin d'avoir une inversion de population. Enfin, tu crées, si tu veux, des phénomènes très particuliers d'émission de lumière grâce à ce couplage entre la lumière et la matière. Alors comment on arrive à faire ça ? Tu vas prendre deux miroirs, Ces miroirs vont emprisonner une cavité. Donc tu imagines deux miroirs que l'on sait faire par ailleurs avec un empilement de couches. Ça, des miroirs de Bragg. Et cette cavité va faire là encore 200 nanomètres. Typiquement 200 nanomètres. Et ton photon va être piégé dans cette cavité. Et quand tu pièges ce photon dans cette cavité, tu changes ses propriétés. Et pour peu que tu aies introduit dans cette cavité un autre élément, tu vas avoir un électron qui se balade au milieu. Si tu travailles bien, tu vas avoir cette interaction forte, on appelle ça un couplage fort entre la matière, entre ces électrons et les photons. Et donc tu vas créer ce qu'on appelle ces quasi-particules, les polaritons, et tu as une nouvelle science autour de là qui se développe aujourd'hui. Alors te dire qu'il y aura des applications qui naîtront de ces polaritons, je ne suis pas convaincu. Mais voilà, typiquement ce que l'on fait aujourd'hui. On travaille avec des polaritons. Bon, le nom est péchu, en tout cas. Moi, je pense qu'il est promis un bel avenir. Nico, on avait d'autres questions dans la chatroom ? Ou est-ce qu'on prévoit gentiment de conclure quand même le non, temps Non, je crois qu'on va pouvoir conclure. La chatroom est partie dans le grand n'importe quoi. Oui, il y avait une discussion sur les bagues en LED, mais je pense que... qu'on peut la passer. Okay, on c'est va de savoir, du coup, vu que les pierres précieuses valent plus rien, qu'est-ce qu'il faut offrir à sa copine, en gros. C'est le débat actuel de la chatroom. Ouais, s'il s'attendait à ça. Ok, est-ce qu'on peut retrouver le labo sur le web, si on veut en savoir plus? Alors, il y a, oui, vous pouvez taper LASP, vous pouvez taper Nicolas Grandjean sur Google, vous trouverez rapidement tout ce que... C'est pas forcément décrit de façon très très claire, mais... N'hésitez pas à me contacter aussi. Vous pouvez trouver un article qui doit traîner dans Pour la Science, il y a 2 ans, que j'avais écrit et qui résume un peu ce que je viens de vous raconter. Okay. Je crois que c'était novembre 2011. D'accord, on essaiera de mettre la main dessus. Parfait. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et puis, on va enchaîner avec le pitch de la semaine suivante. Alors c'est là qu'on va voir à quel point on saute du coq à l'âne sur Podcast Science. On arrive à parler de LED et de cadeaux qui ne valent plus rien dans la même émission. La semaine prochaine, on zappe dans un registre complètement différent. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Simard Casanova et j'ai le malheur d'être économiste. Dans l'émission de la semaine prochaine, je vais vous parler d'un truc un peu barbare, à savoir les incitations non monétaires. Dans la vie de tous les jours, nous faisons de nombreux choix, et malheureusement, certains ne sont pas toujours très judicieux. Par exemple, lorsque nous polluons, lorsque nous procrastinons, lorsque nous mettons en danger notre santé en mangeant trop de fast-food, la liste est longue. Pour corriger ces mauvais choix, l'économiste a jusqu'ici préconisé soit de payer, soit de faire payer les agents économiques. Mais quid de notre sensibilité sociale, de notre attrait pour certaines tâches, des valeurs auxquelles nous croyons ? Les incitations non monétaires sont des outils de régulation qui reposent sur toutes ces caractéristiques pour nous faire modifier nos choix. Alors pourrons-nous résoudre le problème du réchauffement climatique en utilisant notre goût pour le conformisme social ? Ça n'est pas certain, mais cela vaut au moins le coup d'en discuter. Voilà, donc on reçoit quelqu'un de très très courageux la semaine prochaine. Il faudra un big up pour Olivier Simard Casanova, venir parler d'économie sur Podcast Science. Je pense qu'il faut être un peu fou. Ce sera l'occasion de retrouver Mathieu aussi d'ailleurs, c'est lui qui a géré la discussion, l'invitation, la relecture, etc. Donc voilà, on se retrouve en comité de vieux et de fous la semaine prochaine, ça va être plutôt sympa. La quote, les amis, est-ce que vous avez fait votre boulot, est-ce que vous avez déniché une quote? Silence radio, c'est toujours des grands... S'il n'y a vraiment rien, j'ai éventuellement quelque chose, mais l'unique rapport avec le sujet, c'est le mot lumière. Donc, alors, j'ai pas non plus de côte, mais on a eu dans la chatroom une réponse au phare jaune, si ça t'intéresse, Alan. Ouais, mais pas comme côte, on verra ça plus tard. Bon, mais autrement, on a Pete dans la chatroom aussi qui nous a dit, je trouve que ça peut être une très belle côte pour la soirée. Il nous a dit, le saphir ne coûte rien, ma femme va être contente. Et puis, avant de conclure, juste rapidement un ou deux plugs. On a reçu un message de Blast qui nous signale que dimanche prochain, donc ce dimanche, ça nous fait quoi, le 10, 11, 12 janvier, à 20h30, il va lancer le pilote d'une nouvelle émission de web radio bimensuelle où il sera animateur. Ça s'appellera Les Sondiers et ça passera sur Synops Live. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Donc le live a lieu dimanche à 20h30. Bien entendu, vous pourrez le télécharger en podcast. La cible concernera tous ceux qui font du son en amateur, que ce soit de la musique en studio, sur une scène ou derrière la console, des podcasts, des sagas MP3, etc. Et puis, il sera aussi question d'images pour les YouTubeurs. Donc, en tout cas, nous autres, on devrait trouver de quoi nous y intéresser. Il m'a signalé encore qu'un jour, ils auront peut-être besoin d'un invité pour leur expliquer la transformée de Fourier. Hein, du coup, c'est peut-être une compétence qu'on pourra leur prêter, pour le coup. Et puis autrement, je voulais vous signaler encore que notre page de dons est enfin en ligne. Donc vous pouvez aller sur le site web. Je sais bien sûr plus l'adresse comme ça. C'est don, tout simplement. Donc podcastscience.fm/don. Puis si vous avez envie de donner un petit coup de main pour au pluriel ou au singulier ? Au pluriel. Bah oui, attends, on va être optimiste. Donc podcastscience.fm/don, vous avez la possibilité de donner deux types de dons, c'est soit un soutien one shot et puis vous indiquez le montant de votre choix, ou autrement vous pouvez aussi apporter un soutien récurrent, ce qui nous permettrait d'avoir un petit budget, puis ça nous permettrait de savoir où on en est, de plus avoir une table de mixage qui date des années 50, de rembourser nos frais de déplacement, le matériel audio, l'hébergement, les différents services qu'on utilise et qu'on paye mensuellement. Enfin bref, voilà, ça nous ferait très plaisir. Si vous avez envie de donner un petit coup de main au podcast, c'est désormais possible. Et à ce sujet, on fait un merci à Sébastien qui a inauguré la page de dons. Alors qu'on n'en avait même pas parlé, en fait, il est tombé dessus par hasard. Ça. Je sais pas du tout. C'est pas un pseudo qu'on a, donc s'il faut, on le connaît bien. Mais voilà, on a un Sébastien qui a inauguré cette page et que, en tout cas, moi, je ne reconnais pas dans le nom. Donc, a priori, il l'a trouvé par hasard et il a donné. Donc, c'est merveilleux. Eh ben, un immense merci. On s'en souviendra. Alors, comme notre tout premier donateur, c'est formidable. Grand merci à toi, Sébastien. Ouais, merci beaucoup, Sébastien. On va conclure. David ? Eh bien, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux de Noël. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial, vous nous retrouvez en cherchant Podcast Science. Retrouvez Nicolas Grandjean sur le site de LASP, LASPE.EPFL.ch. Merci encore à nos poditeurs et poditrices chéries d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouvera le 7 janvier avec Mathieu qui nous présentera son invité, Olivier Sicard Casanova, qui à son tour nous présentera son dossier d'ici la semaine prochaine. Merci à tous et que servir la science soit votre joie. À bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. Au revoir. Ciao. Elle n'était pas en vert initialement, cette conclusion, si ? Je le dis tout de suite pour être dans l'enregistrement pour les bonus du montage. Donc, c'est pour Alan. Hein. Lors de la guerre de 39-45, la France aurait opté pour aurait adopté les phares jaunes pour se démarquer des véhicules ennemis et ainsi pouvoir différencier les véhicules français des ennemis. Bon, on s'est juré de ne pas critiquer la France ce soir parce que vous êtes déjà assez accablé comme ça. Je réserve mes commentaires. Attends, avoue que l'explication est parfaite, tu pouvais pas imaginer mieux. Elle est merveilleuse. Mais au passage, niveau couleur jaune de l'éclairage, couleur chaude de nos lampes, tous les Occidentaux n'aiment pas ça. Moi, je suis plus asiate que depuis tout petit. Ma tante m'expliquait qu'en effet, elle trouvait ça très désagréable, les lumières froides, et je préférais toujours l'halogène à fond. Je trouvais qu'on voyait beaucoup mieux. Enfin, je sais pas. Toi, tu passes la moitié de ta vie en Asie, t'as que des copines asiatiques aussi. Oui, mais c'était bien avant ça, je savais pas ce que c'était que l'Asie à l'époque. Tu sais, tu dois avoir un gène caché.